c'est moins évident. Give me a train, yeah, and I'm blowing all up, tear it down, and start off. home. Yes, you're my home. You hear me? You're my home. You're my home. Yes, it's your home. Yes, the only light I've ever known, no. And the Lord knows how much I know. Tobacco Road, yeah. Dirty and you're filthy. Dirty and you're filthy. But I love you. But I love, 'cause you're my home. You are my home. You are my home. You are my home. You may be crawling with rats, covered with lice, but you're my home. You're my home. You're my home. Take me home. Take me home. Tobacco Road. Tobacco Road. You're my home. Home. Voilà, c'est donc du groupe afro-américain War et du chanteur Eric Burdon. Eric Burdon et War ont fait donc trois disques. Trois disques s'appelaient Eric Burdon Declares War, The Black Man's Burden et Love Is All Around en 1976. Donc c'est de ce disque qu'il s'agit. Et en ce qui concerne le morceau, il s'appelle Tobacco Road, qui avait été également interprété par Burdon avec The Animals, dont il avait été le chanteur pendant un certain nombre d'années. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Certains que beaucoup aient pu trouver, c'était difficile. En tout cas, il y en a un qui connaissait la réponse, ça c'est sûr.